Normalement, pharmacien, c'est un nom de profession, de métier, mais ce n'est pas un nom propre. Personne ne s'appelle pharmacien, que je sache, ni informaticien. Mais il y a des tas de gens qui s'appellent boulanger, comme celui qui fait le pain. Charpentier, comme celui qui fait les charpentes. Gustave Charpentier, par exemple, c'était un compositeur. Messager aussi, c'est un nom de métier, celui qui porte des messages ou des marchandises. Et c'est aussi un nom propre. André Messager, c'était un compositeur aussi. Et charbonnier, quelqu'un qui vend du charbon, c'est aussi un nom propre. Même si forestier, couturier, bouvier. Bouvier? C'est un nom de jeune fille de ma mère. Mais ce n'est pas un nom de métier. Il y a des tas de gens qui s'appellent boulanger, comme celui qui fait du pain. Il y a des tas de gens, il y a des tas de gens. Il y a des tas de gens qui s'appellent boulanger. Comme celui qui fait du pain, comme celui qui fait du pain. Que fait un boulanger? Il fait le pain. Messager aussi, c'est un nom de métier, celui qui porte des messages ou des marchandises. Messager aussi. Messager aussi, c'est un nom de métier. Celui qui porte des messages. Ou des marchandises. Que fait un messager? Il porte des messages ou des marchandises. Ah, Bouvier, c'était le nom de jeune fille de ma mère. C'était le nom de jeune fille de ma mère. Pourquoi Robert remarque-t-il le nom de Bouvier? Parce que c'était le nom de jeune fille de sa mère. Mais si, bien sûr que c'est un nom de métier. Enfin, c'était un nom de métier autrefois. Le bouvier, c'était celui qui conduisait les bœufs. Évidemment, aujourd'hui, ça ne se fait plus beaucoup en France. Profession bouvier, ça ne se dit plus beaucoup. On parle plutôt de conducteur de tracteur. Chevrier aussi, c'est un nom de famille. Et le chevrier, c'est celui qui s'occupe des chèvres. Et puis, il y a aussi berger, comme celui qui s'occupe des moutons. Et puis, mineur, marin. Marin, c'est ce que je voulais être quand j'avais 12 ou 13 ans. Le bouvier, c'était celui qui conduisait les bœufs. Les bœufs. Le bouvier, c'était celui qui conduisait les bœufs. Qu'est-ce qu'un bouvier? C'est celui qui conduisait les bœufs. Et évidemment, aujourd'hui, ça ne se fait plus beaucoup en France. Ça ne se fait plus beaucoup. Ça ne se fait plus beaucoup en France. Aujourd'hui, ça ne se fait plus beaucoup en France. Évidemment, aujourd'hui, ça ne se fait plus beaucoup en France. on parle plutôt de conducteur de tracteur. On parle plutôt de conducteur de tracteur. Est-ce que ça se fait beaucoup d'être bouvier en France aujourd'hui? Non, ça ne se fait plus beaucoup. Qui est-ce qui a remplacé les bouviers? Les conducteurs de tracteurs. Le chevrier est celui qui s'occupe des chèvres. Les chèvres. Le chevrier est celui qui s'occupe des chèvres. Qu'est-ce que c'est qu'un chevrier ? C'est celui qui s'occupe des chèvres. Et puis il y a aussi berger, comme celui qui s'occupe des moutons. Le berger s'occupe des moutons. Le berger s'occupe des moutons. Et un berger. C'est celui qui s'occupe des moutons. Ah, marin, c'est ce que je voulais être quand j'avais 12 ou 13 ans. C'est ce que je voulais être quand j'avais 12 ou 13 ans. C'est ce que je voulais être. Quand j'avais 12 ou 13 ans. Quand j'avais 12 ou 13 ans. C'est ce que je voulais être quand j'avais 12 ou 13 ans. Qu'est-ce que Robert voulait être quand il avait 12 ans? Marin.